Bye. l'album Ambiante de Moby, My Beautiful Blue Sky. Vous êtes sur FG98.2 en compagnie de DJ Deep. On se retrouvera juste après la pub. We'll be right back. exclusivité sur FG. Heures passées de 6 minutes, vous êtes à l'écoute de Radio FG 98.2, plutôt content de vous retrouver après ce long week-end parsemé de rhumes et d'angines. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, sortez couverts. Si vous êtes en vacances, bande de petits vénards, profitez-en pour rester chez vous bien au chaud. Jusqu'à 15h, l'Atlantis dans vos oreilles.